Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François Rouillon. Bonjour François. Bonjour. Chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et ce mois-ci, premier épisode de cette saison 2022-2023, eh bien on va faire un petit coup de projecteur sur la représentation de la pêche dans différents médias, que ce soit la télé, le cinéma, voire la presse. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. On va parler de scènes de pêche ou d'émissions ou de magazines parce que effectivement, la pêche étant une pratique relativement populaire, on peut la retrouver à la fois dans des médias spécialisés, on va en parler, mais aussi dans certaines petites scènes, dans des films où on a en mémoire quelques souvenirs. On va commencer par quoi pour en parler avec de l'image peut-être ? Oui, alors il y a quelques émissions de télé. Alors certains pêcheurs, s'ils nous écoutent, reconnaîtront peut-être. Hein. Alors à l'époque, il y avait, moi quand j'étais jeune, hein, j'ai 40 ans, mais quand j'étais jeune, il y avait les fameuses histoires naturelles qui passaient sur TF1 la nuit. Hein, c'était vraiment... Oui, c'est ça, c'était la nuit de tôt le matin. Même. Ouais, c'est ça, c'était vraiment en plein milieu de la nuit, mais on pouvait enregistrer avec les, magnétoscopes. Voilà, ça existe pour les plus, maintenant, plus anciens d'entre nous. Et donc voilà, histoire naturelle, alors c'était chasse et pêche, mais il y avait pas mal d'émissions de pêche, donc ça, bon, ça a pris un petit coup de vieux, mais c'est toujours un petit peu sympa de regarder, on peut trouver certains replays là sur internet. Mais alors à l'heure actuelle, on a un truc qui s'appelait les mordus de la pêche, et qui s'appelle maintenant Pêche XXL, et en fait c'est fait par un journaliste français, mais qui a émigré au Québec il y a longtemps, qui s'appelle Cyril Choquet, qui est animateur pêche sur ces émissions-là. Et le but, c'est vraiment d'aller, il part tout autour du monde, pêcher des poissons de dingo. voilà, et c'est assez sympa parce qu'il y a une dimension aussi hyper sociale et dans le partage. Il va voir vraiment le vieux pêcheur sur sa pirogue en Afrique, et puis il lui demande s'il peut y aller. Et puis, alors bon, ça reste du montage d'émissions télé, mais sûr, c'est, oui. C'est assez sympa. Puis il a un bon capital sympathie, Cyril Choquet, je vous invite à regarder. Donc ça s'appelle Pêche XXL. Et on retrouve ça sur des plateformes de streaming aussi? Alors ouais, il y a pas mal de replays, pareil, sur Internet. Et puis Pêche XXL, il me semble que c'est sur RMC Découverte, la chaîne RMC D'accord. Découverte. Présenté donc par Cyril Choquet. C'est ça, Cyril Choquet. Et puis, il y a un Américain aussi qui s'appelle Jeremy Wade, qui fait une émission qui s'appelle River Monster. Mmh. Donc, alors, c'est plus à l'américaine. Hein. Voilà, les dangereux piranhas mangeurs d'hommes qui va pêcher. C'est américain, quoi. C'est un peu too much, mais c'est assez rigolo. Puis, c'est vrai que c'est de la pêche, quoi. Mais donc, ça fait voyager, en tout cas. Hein. Voilà, ça s'appelle River Monster. On n'a pas ce genre de poisson en France. Non, alors, je crois qu'il est venu quand même un coup pêcher le silure, il me semble, en France. Mm-hmm. En France ou en Europe, hein, mais il y a une émission là-dessus. Donc, voilà, c'est surtout les poissons un peu... costauds. Voilà, qui font un peu flipper, entre guillemets. Qui font quelques kilos. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour les principales, en tout cas, les plus connues aujourd'hui, les plus médiatisées, Mordus de la pêche ou Pêche XXL, c'est ça ? Pêche XXL, oui, c'est, ça a changé River de nom, Monster. Mais c'est les mêmes. Voilà. Et puis, il y a River Monster. On reste dans l'image avec le cinéma ou autre chose ? Oui, alors, on peut... Enfin, il y a des chaînes, en fait, spécialisées, vraiment, ça existe hein, aussi, des chaînes de télé qui sont spécialisées dans la pêche. Alors, ils font pêche et chasse, parce que ça reste... sinon, c'est trop restreint, entre guillemets, pour une chaîne. Mais il y a la chaîne Seasons, saison hein, en anglais, qui est distribuée par le groupe Canal+. Donc, il faut s'abonner, c'est pas gratuit. Mais ils proposent pas mal d'émissions sur la pêche. Ils sont venus tourner un petit peu chez nous en Meurthe-et-Moselle. On a nous-mêmes participé à une émission sur le gobie, notamment, sur les gardes-pêche aussi. Ils étaient venus tourner il y a déjà bien une dizaine d'années maintenant, mais ils rediffusent de temps en temps les reportages et c'est pas mal. C'est vraiment pour toutes les pêches. Il y a de la mouche, du leurre, de la pêche au cou. C'est sympa. Et il y a une autre chaîne de chasse et de pêche. Qui s'appelle Chasse et Pêche. Tout simplement, on ne peut pas faire voilà, plus simple. Le brainstorming pour trouver le nom de la chaîne a été rapide. Et qui est accessible via les box, en fait. On peut s'abonner uniquement, je crois, à cette chaîne-là. Donc, ce n'est pas forcément super cher par mois. Et puis, c'est pareil, il y a plein d'émissions. Donc, c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de chaînes YouTube hein, qui sont consacrées à la pêche aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, bon, évidemment, tout le monde connaît YouTube. Si vous mettez pêche du carnassier, pêche du brochet, etc., vous aurez des centaines de vidéos. Donc, c'est inépuisable. C'est très bien sur les images, etc. Mais juste un tout petit peu en garde sur des fois certains éléments de réglementation qui peuvent être développés dans ces vidéos-là. Attention, il peut y avoir des petites erreurs qui se glissent. C'est arrivé qu'on voit voilà, un petit peu des bêtises, entre guillemets. Oui. Donc, pour la réglementation, renseignez-vous quand même auprès des fédés et puis vérifier. Mais par contre, il y a plein de trucs. Hein. Alors, il y a des chaînes aussi, des chaînes YouTube, hein, Scarna Fishing, Aminiac Fishing, voilà, où ils filment leur partie de pêche, ce qui leur arrive, les poissons qu'ils prennent, etc. Ils expliquent. Et puis, il y a une chaîne aussi qui s'appelle Nervurax, avec laquelle la FNPF travaille un petit peu, parce que c'est eux qui expliquent aussi un petit peu sur YouTube, voilà, comment est gérée un petit peu la pêche en France. C'est aussi intéressant d'aller voir. Beaucoup de choix, mais bien sûr, vigilance et pas hésiter à se renseigner avant également. Donc ça, c'était pour les vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. On reste dans l'image avec le cinéma, parce que là, il y a quand même pas mal de beaux films à mettre en avant. Alors oui, je ne serai pas du tout exhaustif, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce fameux film qui présente la pêche à la mouche, qui s'appelle « Et au milieu coule une rivière ». C'est un film de Robert Redford qui est sorti en 1993 avec Brad Pitt notamment. Et qui, voilà, où il y a bah c'est l'affiche déjà, c'est Brad Pitt qui pêche à la mouche dans un rayon de soleil, il a juché sur un rocher. Et puis il y a vraiment des très belles scènes de pêche à la mouche. Il faut savoir que les fabricants de cannes à mouche aux États-Unis en 1994 n'avaient plus de stock. Tellement il n'y avait plus de cannes disponibles, ouais. Tellement les gens avaient acheté des cannes à mouche pour se prendre pour Brad Pitt au milieu des rivières des États-Unis. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, même pour ceux qui l'ont vu, on peut le voir et le revoir, c'est toujours super sympa et l'histoire est très belle. Un autre film peut-être à mettre en avant ? Plus près de chez nous et plus récent, il y a un film qui s'appelle L'école buissonnière. Alors c'est pas un film qui est tourné sur la pêche, mais il y a quelques petites scènes de pêche. C'est un film de Nicolas Vanier qu'on connaît pour ses explorations un petit peu en chien de traîneau sur le Grand Nord et puis sa vie d'aventure et de réalisateur de vidéos et de films. Et voilà, donc ça s'appelle L'école buissonnière, c'est un joli film qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui part en Sologne dans une famille un petit peu adoptive et qui découvre un braconnier et qui se lie d'amitié un petit peu avec lui. C'est pas mal. Quelques suggestions de films à voir ce week-end. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a cette fameuse scène de pêche dans le film Ni vu ni connu. Je sais pas si tu vois, avec Louis de Funès, oui, là, il y a le concours de pêche où il tape des pieds. Enfin... Et tout le monde a essayé de faire comme lui, ça a marché, bien sûr. Alors, il y en a plein d'autres, hein. On n'est pas exhaustif. Hein, mais... Donc ça, c'était pour le cinéma. Parmi les médias aussi, il y a encore la presse écrite. Ça existe encore ? Il y a des magazines. Oui. Hein, ouais, et notamment dans la pêche, c'est assez, finalement, c'est assez riche. Alors, il y a eu quelques magazines qui ont sauté, hein, ces dernière décennie, mais on a le magazine qui s'appelle La Pêche et les Poissons, qui est un magazine générique, hein, où il présente toutes les techniques de pêche. Il y a Brochet Cendre Magazine, qui parle du brochet et du cendre, donc la pêche des carnassiers. Pour les pêcheurs à la mouche, il y en a deux, il y a le magazine Pêche Mouche, et il y a un autre magazine qui s'appelle 8 pieds 6. Alors 8 pieds 6, on explique pourquoi, c'est en fait c'est une longueur, hein, des pieds, ça fait à peu près 30 cm, c'est les longueurs de canne à mouche. Oui. Voilà, donc ils ont appelé ça comme ça. Et par contre, lui, c'est un trimestriel, alors il est pas donné, mais par contre, c'est presque un livre qui sort tous les 3 mois. Donc, avec des belles images, j'imagine. Ouais, des super photos, des articles vraiment de fond. Il s'intéresse aussi beaucoup aux problématiques rencontrées par les pêcheurs et par les milieux aquatiques, notamment les rivières à truites, donc c'est pas mal. Et puis, on a aussi des magazines qui traitent de la pêche de la carpe, hein, Mediacarp, qui est aussi un beau magazine pour les carpistes. Et voilà, pour rêver un peu, un dernier, un magazine qui s'appelle Voyage de pêche et qui propose des reportages tout autour du monde avec tous les poissons exotiques qu'on peut rencontrer sur la planète. Il y a autre chose à peut-être ajouter sur cette question ? Eh ben, on parlait de magazines, il y a aussi des webzines, hein, des magazines numériques, donc disponibles sur Internet. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est gratuit, qui s'appelle Un Max de Pêche, qu'on peut aller voir, on peut consulter tous les différents numéros, pareil, avec pas mal d'articles. Il y a aussi la newsletter de la Fédération, peut-être ? Mais bien sûr ! C'est de l'écrit, c'est des médias. Évidemment, c'est ça, et le site Internet. Voilà, pour se tenir au courant de l'actualité de la Fédération. Eh bien justement, venons-en à cette actualité. Est-ce qu'il va se passer des choses ? Oui, oui. Alors on peut. Déjà une bonne nouvelle pour les pêcheurs qui n'auraient pas encore eu leur carte. Exactement. En fait, on propose là pour la première année en Meurthe-et-Moselle, ça existait déjà dans d'autres départements les années précédentes, une offre d'automne. C'est-à-dire qu'en fait, la carte de pêche est à moitié prix. Depuis le 1er septembre. Là. Mmh. On rappelle qu'une carte de pêche, c'est valable de la date d'achat jusqu'au 31 décembre, mais qu'il y a. Alors, il n'y a pas de prorata sur le prix, oui. Mais là, voilà, c'est une offre d'automne, c'est les cartes de pêche. Alors, personne majeure, ça ne marche pas avec les autres cartes. C'est la carte personne majeure qui coûte normalement 77 euros chez nous en Meurthe-et-Moselle, qui coûte maintenant que 38,50 euros pour pouvoir pêcher tous les jours, si on le veut, jusqu'au 31 décembre. Voilà, si vous venez d'arriver dans la région, que vous êtes un pêcheur et que vous ne savez pas comment faire, eh bien voilà, vous avez une opportunité pour prendre votre carte et découvrir les belles rivières et beaux étangs de notre région. Parmi l'actualité encore, il va y avoir une grosse brocante à Pont-à-Mousson. Oui, la traditionnelle brocante qui est organisée par la Gaule Mussy-Pontine, donc l'association de pêche de Pont-à-Mousson. Ça se passera à l'espace Mont-Richard le 25 septembre. Il faut aller voir. L'espace Mont-Richard, c'est une grande, comme un grand gymnase, une grande salle des fêtes. Il y a plusieurs dizaines d'exposants, hein, c'est vraiment costaud. Et voilà, on peut aller chiner. C'est quand même assez sympa quand on est pêcheur d'aller voir... et aller trouver une petite canne pas chère, une épuisette, un leurre, voilà, il y a pas mal de choses et l'ambiance est super sympa, c'est super bien organisé. C'est ça d'aller échanger avec d'autres passionnés ouais, aussi. Ouais, bah voilà. Oui, donc ça, non, il y a pas mal de monde et comme dans toutes les brocantes, notamment spécialisées, n'hésitez pas, mais les pêcheurs sont des leftos, à y aller à l'ouverture. Exactement, voilà le petit conseil de François pour cette brocante. Et une petite dernière info, là ce sera pour le mois d'octobre, il va y avoir un concours pêche à Nancy. Oui, c'est la Gaule Dombaloise, l'association de pêche de Dombasle qui gère les parcours de pêche sur Nancy, notamment le canal de la Marnorin. Mmh. Et ils organisent chaque année, alors ça a été un peu perturbé par évidemment par le Covid hein, l'année dernière et l'année d'avant, mais un concours de pêche urbaine. Donc en no-kill, hein, on remet les poissons à l'eau, uniquement au leurre avec une canne. C'est un truc un peu moderne. On prend en photo ses prises via une application qui s'appelle FishFinder. Et on s'inscrit aussi via cette application-là. Et voilà, le classement est automatique par rapport à tout ça. Donc c'est le dimanche 16 octobre au matin. Et tous les renseignements sont sur le site de la Gaule Dombaloise ou sur le site de la Fédé. Ça va être cool. Merci beaucoup François. Voilà, on a tout dit pour ce mois-ci. Donc ouais. D'ici le mois prochain, on a le temps de se faire quelques visionnages, notamment de cinéma ou alors de documentaires autour du monde de la pêche. Mmh. Avec tous les bons conseils que vous nous avez donnés. Et le mois prochain, on se retrouve pour parler d'un poisson. Oui, d'un poisson qui s'appelle le sandre. Eh bien, rendez-vous le mois prochain pour en parler. À bientôt. Ça marche, à bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.